Ça fait énormément penser, bien sûr, à ce qui se passe aujourd'hui et aux jeunes convertis qui sont encore plus violents, plus fanatiques, si vous voulez, plus intégristes que d'autres. Donc je trouve que la pièce est vraiment, en effet, d'une très, très grande actualité. Et ça finit très mal, c'est-à-dire, en fait, vraiment dans le sang, réellement. Et une sorte de baptême de sang final qui a été longtemps considéré comme une sorte de grâce merveilleuse et qui conduit le gouverneur et sa fille à se convertir également. Pour faire triompher son Dieu, eh bien, s'il est prêt et il passe à l'acte pour éradiquer toute trace d'autres croyances, c'est ça le propos. Et c'est vrai que ça résonne pour tous ceux qui s'intéressent ou non aux actualités, mais c'est vrai que ces sujets-là nous paraissaient lointains quand on parle de nos actualités, une sacrée analogie, comme vous pouvez dire, par rapport à des faits d'actualité qui remontent au début des années 2000, et depuis, ça ne cesse de se perpétrer. On pense évidemment aux destructions des Bouddhas en Afghanistan par les talibans. On pense effectivement au musée de Mossoul en Irak. On pense à d'autres cités plus proches dans le temps, Palmyre en effet, au Mali et dans d'autres régions du monde. Alors, est-ce que quand on essaye d'approcher le sujet, quand on essaye d'aborder ce sujet, y compris par le texte de Corneille, est-ce qu'il n'est question que de fanatisme ? Parce que vous avez certainement en tête les paroles de notre Premier ministre, Manuel Valls, qui a dit qu'il ne fallait pas chercher à comprendre, parce que chercher à comprendre, c'est déjà apporter des explications et finalement minorer ses actes. Donc, alors tout le monde n'est pas d'accord sur l'idée de chercher ou non à ne pas comprendre. Oui, je comprends très bien. C'est-à-dire, en fait, dès qu'on commence à comprendre, on commence également à excuser, d'une certaine manière. C'est ça la question. Or, en réalité, là, on essaie de... Dans le texte, Corneille, finalement, donne quelques explications qui sont le désir chez Paul Huchte, finalement, d'arrêter de se battre pour la vie. Rester vivant, ça veut dire d'une certaine manière que les choses ne sont pas parfaites. Et la rencontre avec ce Dieu unique, tout d'un coup, qu'il a découvert, il la veut absolument, il veut mourir pour cela, et surtout, il désire, finalement, il pense qu'auprès de lui, il vivra une perfection totale. Enfin, c'est l'idée du Dieu unique a quelque chose comme ça de très très violent. Il insiste tout le temps là-dessus, et c'est au point que, enfin, vraiment, on a le sentiment que, enfin, finalement, d'une religion meurtrière. Et on a ce sentiment aujourd'hui également avec les fanatiques musulmans. Il se trouve que c'est les fanatiques musulmans, mais les fanatiques, ils ont été, à un moment donné, chrétiens, profondément. Et puis, ça n'arrête pas, d'une certaine manière. Les hindous essaie de tuer les musulmans aussi, qui sont, quand ils sont minoritaires, finalement, ils sont victimes aussi. Enfin, il y a quelque chose là d'une réflexion. Et en plus, la réflexion, elle tient aussi au fait que c'est s'arracher à la chair, s'arracher à la sexualité, au désir, comme ça, et à l'amour. Et l'amour humain est un amour qu'il faut recommencer, remettre en question constamment, tandis que, évidemment, l'amour d'un dieu a quelque chose d'une sorte de perfection fantasmée, mais qui demande de la destruction. Vous parlez de désir. Le désir amoureux est moins important. Il est même, c'est même, ça devient quelque chose à redouter que le désir du martyr. Entre le goût de la vie, il y a plus à gagner dans l'attraction de la mort. C'est-à-dire, aujourd'hui d'ailleurs, là où il y a analogie entre cette pièce, ce texte, et ce qui est dit quand on entend des témoignages de convertis parmi les radicalisés qui reviennent de Syrie ou d'ailleurs, ils le disent, la vie n'est pas belle, alors que la mort est magnifique. Il y a une forme d'attraction, il y a une forme de fantasme où on embellit la mort et non la vie. Voilà, exactement. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vraiment dans le texte de Corneille. Vraiment, il le dit à un moment donné, vous voulez donc mourir, lui dit son ami, Vous aimez donc à vivre comme si c'était une question. Et ça, cette question, on l'entend vraiment énormément. Mais il y a d'autre part dans la pièce quelque chose d'incroyable, une des pièces les plus charnelles, les plus sensuelles de Corneille, c'est-à-dire Pauline, qui est un personnage sublime absolument, et a aimé et aime toujours un garçon, enfin un jeune homme qui s'appelle Sévère, qui revient, dont elle pensait qu'il était mort et qui revient d'entre les morts, qui espère l'épouser mais qui apprend qu'elle a épousé, forcée d'une certaine manière par le père Pollux, qui... Elle arrive à aimer ces deux hommes, c'est-à-dire il y a une histoire à trois qui se joue, et Pollux donne sa femme à un moment donné à Sévère, d'où un espace presque pervers, comme ça, qui est étonnant, et la rencontre entre Pauline et Sévère, qui revient donc d'entre les morts, est d'une sensualité incroyable, c'est-à-dire elle est tout près de la faute, comme ça, elle explique, elle dit, elle parle de la révolte des sens, c'est absolument sublime. Et donc les gens ont beaucoup aimé, au moment où il a créé la pièce, les gens ont beaucoup aimé toute l'histoire d'amour qu'il y a dedans, et a été très réservé, en effet, sur ce saint Polyeucte, dont Corneille dit d'ailleurs que c'est le théâtre qui l'a fait connaître, il est allé chercher un saint obscur, parce que quand même, il entrait comme ça dans des questions qui pouvaient être très, très problématiques à son époque. Et ce saint n'a aucune charité, n'a aucune tendresse. Il y a une sorte de violence et de désir violent, de, comme je disais, d'en découdre avec le paganisme. En même temps, je crois que la pièce s'ouvre sur une opposition entre l'homme et la femme. La femme, dans cette histoire, devient l'ennemi. Exactement. D'ailleurs, elle est désignée par son ami, qui s'appelle Néarque, dans la pièce, l'ami donc de Polyeucte, qui a contribué à cette conversion, comme l'ennemi absolu et qu'il faut fuir à tout prix. Et ça, c'est intéressant aussi sur la position. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Et on voit bien, aujourd'hui, c'est exactement du même ordre. Les femmes sont voilées, elles sont cachées, parce qu'en effet, elles sont un objet de désir, de jouissance. Et elles sont même battues, elles sont opprimées. Enfin. Et il y a quelque chose comme ça d'une oppression aussi sur Pauline, sauf qu'elle l'a intériorisée. Par exemple, elle obéit à son père. Elle sait très bien qui est son père, c'est-à-dire son père est un politicard et épouvantable, très admirablement décrit et écrit par Corneille, mais et qui est très divisé, qui aime bien ce Polyeucte qui vient de faire une chose terrible contre Rome, qui sait qu'il doit le faire tuer, en même temps qu'il hésite, etc. Mais quand il apprend que Sévère, qui est maintenant un personnage extrêmement important auprès de l'empereur, il oblige sa fille à aller le voir. Elle dit non, je ne peux pas, je suis trop sensible à cet homme. Et vraiment, il la prostitue carrément. C'est très moderne, très fort et très complexe. Et en résonance permanente avec l'histoire de l'humanité, dans la présentation de votre spectacle, vous relevez une citation de Nietzsche, extrait de l'Antéchrist, voilà, je vais y arriver. Les martyrs furent un grand malheur dans l'histoire, ils séduisirent. On est encore dans ça aujourd'hui. Exactement, c'est pour ça que je finis le spectacle par un comédien arrive et qui dit le texte de Nietzsche, c'est pas, il dit, c'est pas parce que finalement on meurt par le sang, enfin, ou qu'on se sacrifie, qu'on a raison. Loin de là. Sur scène, avec cette charge du texte de Corneille, cette analogie avec notre vie contemporaine, j'oserais même associer à analogie une sacrée, il y a une dimension de sacré aussi, ce lien avec la religion, qui veut exterminer toutes les autres religions, effectivement ça résonne. Alors la question qui se pose pour finir, comment on en arrive là, au travers ce que nous dit le texte de Corneille, et pour répondre peut-être à nos questionnements ici aujourd'hui, maintenant, ces jeunes femmes et hommes, et est-ce que le texte de Corneille nous donne un élément de réponse, comment ils deviennent brutalement des fanatiques? Est-ce qu'il y a une seule réponse ou est-ce qu'on peut imaginer, supposer quantité de réponses possibles et probables? Oui, d'une part, c'est comme une secte. C'est-à-dire son ami l'a converti à une secte, d'une certaine manière. C'est un grand problème. La question d'une secte, des sectes est très importante aujourd'hui encore aussi. Et le sentiment aussi que tout d'un coup, quelqu'un prend en charge, donc ce Dieu unique, rêvé, comme ça, prend en charge toutes les difficultés de la vie. Au lieu de se battre, la vie demande qu'on se batte tous les jours, qu'on se batte pour garder ses amours, pour tout, pour la vie, voilà. Et la mort résout tout, et en même temps, si en plus on rêve d'un paradis, soit un paradis avec plein de jeunes femmes délicieuses, soit un paradis, même le paradis chrétien est un paradis un peu étrange, enfin comme ça. Enfin voilà, c'est très... Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, j'ouvre les questions, si vous voulez. Je ne réponds pas, mais je pose les questions, je prends parti seulement à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, son mari est tué, elle essaie de le ramener à la vie, il y a des scènes absolument formidables, elle lui dit même très très clairement, est-ce que c'est le mariage finalement, c'est le dégoût du mariage qui t'anime, ce qui est du très, très étonnant, comme ça, d'interprétation presque psychanalytique du personnage. Et en même temps, après, donc, il est tué, le sang rejaillit, c'est-à-dire il est décapité, le sang rejaillit sur elle, et elle arrive totalement ensanglantée sur scène, mais folle. Et elle dit, ça y est, je crois, mais en même temps, on voit bien qu'elle est folle. Voilà, en tous les cas, c'est l'interprétation que j'en donne. Longtemps, Paulieu a été utilisé, au contraire, par l'Église, mais aussi par les gouvernements, comme quelque chose de très édifiant, et même l'obéissance de Pauline à son père, qui l'a complètement troublée, Pauline était considérée comme une femme magnifique qui renonçait à tout désir, à tout amour, et que c'est ça, voilà, la vie des femmes. Enfin, c'était très intéressant. Sur le plan de la mise en scène et de l'espace scénique, sobriété pour faire mieux entendre le texte de Corneille. Je ne sais pas si c'est vraiment une sobriété, parce qu'il y a deux grands murs bleus sombres qui sont comme des restes d'un palais, un peu doré en même temps, qui s'ouvrent justement, qui s'ouvrent sur le lit conjugal. D'où il sort, parce qu'il le dit au tout début, je veux rester avec cette femme qui pleure, et son ami lui dit, il faut se sacrifier, il faut même se donner son sang à Dieu, il faut quitter cette femme qui est une ennemie. C'est absolument formidable. Donc on voit longtemps le lit, et puis on voit derrière un ciel, et à un moment donné on voit juste les murs qui s'ouvrent, qui bougent comme ça, et ce ciel incroyable, qui est en même temps un ciel un peu métaphysique, orageux et romantique en même temps. Enfin, donc c'est très pur, et en même temps c'est quand même, il y a quand même un espace important. J'ai bien compris pour conclure que... on ne va pas chercher à expliquer ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'effectivement ce lien il est nécessairement fait par le spectateur. On ne peut pas rester plongé dans l'époque de Corneille, mais en même temps peut-être essayer de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui pour ceux qui partagent cette passion totalement effrayante, c'est saisir ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, sans pour autant l'excuser, évidemment. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais on entend quand même, par exemple, j'étais frappée, parce que j'ai lu comme ça ce que les talibans disaient quand ils détruisaient, par exemple, les statues d'Afghanistan. Ils disaient, nous les détruisons pour que même quand nous serons battus, on ne puisse pas revenir à cette religion-là, par exemple. C'est plein d'allusions à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelque chose comme ça, même dans l'âme humaine, dans le désir humain aussi, d'aller vers la mort, ce désir, cette pulsion de mort qui est en chacun de nous, mais avec laquelle on deal comme ça. Et ça, c'est terrible, voilà. Merci Brigitte Jacques Wagemann pour ce spectacle qui a pour titre Un baptême de sang, Paulieu de Corneille. Et comme on l'a dit au cours de cet entretien, c'est d'une brûlante actualité par rapport à des faits qui se vivent pas si loin que cela finalement.